Prise 44, activation orale, dialogue entre Mireille et Jean-Pierre. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Jean-Pierre. Écoutez attentivement, vous allez apprendre ce que dit Jean-Pierre. Quel beau temps, quel ciel, pas un nuage, pas un cumulus. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? Maintenant répétez. Quel beau temps, quel ciel, pas un nuage, pas un cumulus. Il fait vraiment beau, vous ne trouvez pas? Et maintenant c'est à vous, vous êtes Jean-Pierre.